Chapitre 7e. C'est le jour fixé pour le départ de Georgia Leland. Le steamer Le Hesper de la compagnie péninsulaire et orientale doit quitter Southampton de bonne heure. Barbara a mal dormi. Des rêves pénibles ont agité son sommeil toute la nuit. Elle se réveille et entend le balancier de l'horloge. Puis 5 heures sonnent au coucou appendu au mur de l'antichambre. Il serait encore temps, pense-t-elle en elle-même. Sœur Florence dort profondément. Je me demande s'il serait très inconvenant. Lui, à coup sûr, ne saurait me blâmer. Ma mère, qui commencerait peut-être par là, m'aurait bientôt pardonné. Oui, c'est inconvenant, je le sais, mais je le ferai. Je ne conçois même pas comment j'hésitais un moment. Que puis-je faire mieux que de faire une folie pour lui? N'ai-je pas quelque droit à le voir jusqu'au dernier moment? Le souvenir sera pour moi comme le rayon de soleil entre les nuées orageuses, et il m'aidera à supporter le fardeau d'inquiétude et d'ennui de cette longue séparation. Barbara s'assied devant son bureau, écrit 2 mots à sa sœur, attache le pli sur la pelote avec une grosse épingle à châle. Un miroir sur lequel elle lève ses yeux lui renvoie son image troublée par le combat intérieur qui se livre en elle. Un tremblement involontaire l'agite. Le grand air pourra lui faire du bien. Elle part et marche d'un bon pas. Mais à mesure qu'elle approche de la station, la crainte invincible de commettre une inconséquence reprend le dessus. Elle se demande si cette démarche ne lui nuira pas dans l'estime de son fiancé. Elle parlemente avec elle-même, le pied sur la première marche de l'escalier de la gare. Elle en est encore à ce point de préoccupation lorsqu'elle entend le sifflet de la locomotive. « Ah !» se dit-elle à elle-même. « S'il m'aime, il me pardonnera. » Elle monte en courant, prend son billet et se précipite dans un wagon dont la portière n'est pas encore fermée. Une jeune mère de famille est installée avec ses 5 enfants. Il est encore de bonne heure quand la locomotive haletante s'arrête à la station de Southampton. Barbara descend du wagon, un sentiment de tristesse inénarrable l'envahit. C'est la première fois qu'elle voyage seule. Il lui semble qu'elle est l'objet de tous les regards. Elle s'assied sur un banc et relit la dernière lettre du capitaine. Pourtant, il dit bien qu'il partira de Taunton de bonne heure pour arriver à Southampton vers midi. Il est midi passé et il n'est pas là. Barbara se décide à demander à un employé à quelle heure arrive le train de Taunton. On ne connaît pas cette station. Mais on lui dit que le train de Salisbury arrive à 1h30. Allons, encore un peu de patience. Barbara attend encore. Puis, un coup de sifflet aigre, prolongé, impitoyable, pénètre dans ses oreilles. Une émotion invincible la saisit. Elle tient les yeux fixés sur la multitude de voyageurs qui débordent de tous côtés. Mais la pauvre enfant, prise de vertige, s'évanouit. Quand elle reprend ses esprits, George Leland est à ses côtés. Il lui a donné quelques gouttes de cordial. Mais l'expression ardente de ses yeux noirs, l'harmonie de sa voix, sa sollicitude passionnée, sont encore plus puissantes pour la ranimer. « Quelle surprise! Quelle joie de vous voir ici! Qui donc vous a amené ? » s'écrie-t-il. « Personne. Je suis venu seul. J'avais un si ardent désir de vous voir encore une fois. Vous ne m'en voulez pas ? Combien, au contraire, puis-je assez vous remercier de cette chère folie ? » dit-il en déposant sur le front de Barbara un baiser brûlant de désespoir et d'amour. À ce moment, et sans qu'il s'en doute, un individu portant à la main un petit sac de nuit passe près d'eux, s'arrête un instant, les observe et disparaît. « Que vous êtes pâle, ma bien-aimée, » dit George Leland à sa jeune fiancée. Barbara déclare en balbutiant qu'elle est encore à jeun et qu'une tasse de thé lui ferait du bien. « Une tasse de thé, oui, mais avec un déjeuner plus solide, » dit le capitaine. Il hèle un fiacre, dit au cocher de le conduire à l'hôtel du Dauphin. Il entre avec Barbara dans un petit salon, commande du thé, du café, du poulet froid, du jambon et des œufs. En attendant le déjeuner, le capitaine et Barbara s'assoient à la fenêtre. « Que votre mère est bonne de vous avoir permis de venir. »« Personne, » dit-elle, « ne m'a permis de venir. Mais cette nuit, j'ai rêvé que vous m'appeliez. Je suis venu sous cette impression. J'espère que je n'ai rien fait de répréhensible et que cette démarche ne saurait me nuire dans votre estime. Ah, cher enfant, comment vous en voudrais-je? Mais c'est le meilleur gage que je puisse emporter de votre fidélité et de votre constance. Maintenant, je n'en saurais jamais douter. Quoi? En douter? Mais je ne saurais vivre sans vous aimer. Je vous aimais dès la première fois que je vous ai vu. Tandis que Florence, elle, riait de votre teint bronzé, de vos moustaches noires, de votre tournure militaire, moi, je vous trouvais un air noble, sérieux et chevaleresque, qui réalisait mon idéal d'un héros, c'est-à-dire un homme fait pour combattre et pour vaincre. Maintenant, ce n'est pas que je veuille médire de votre profession, mais je voudrais que vous fussiez tout au monde plutôt qu'un héros. Épicier, par exemple ? Barbara fit une moue adorable. Ce que je veux dire, c'est qu'il est trop triste de vivre sans vous. Enfin, on apporte le déjeuner. Mais contre son habitude, le capitaine n'a pas faim, et Barbara ne veut prendre que du thé. La traversée offre-t-elle de grands dangers ? Dit-elle au capitaine. Les naufrages sont-ils fréquents ? J'ai ouï dire qu'il n'y en avait jamais eu dans les services de la Compagnie péninsulaire et orientale, répond le capitaine avec un aplomb imperturbable. Est-ce bien à 3 heures que part le paquebot ? Hélas oui, il en est 2. Il est temps de se rendre à bord. Barbara se lève aussitôt et demande à accompagner son fiancé jusqu'au navire. Il vaut mieux que je vous reconduise à la station, dit-il. Je ne puis supporter l'idée de vous laisser seul ici. Non, s'écrie-t-elle, les larmes aux yeux. Je veux rester avec vous et ne me séparer de vous qu'au dernier instant. Il consulte de réchef l'indicateur. Barbara, en prenant le train de 4h30, pourrait être à Camberwell à 8h. Le capitaine paye la note de son hôtel et se rend au débarcadère avec Barbara. Pour la distraire des tristesses du présent, il parle de l'avenir, évoquant des rêves de bonheur. Elle l'écoute sans rien dire et son silence entrecoupé de soupirs est plus éloquent que les paroles. Enfin, les voilà sur le paquebot. George Leland est obligé de laisser Barbara assise sur un pliant, tandis qu'il va surveiller l'embarquement de ses bagages. Il revient ensuite près d'elle et lui dit « Dans 5 minutes, le paquebot lèvera l'ancre. Il faut que je vous reconduise sur le quai. » « Oh !» s'écrie-t-elle d'un ton déchirant, et comme s'il s'agissait de se séparer d'elle-même. Le capitaine la saisit dans ses bras, la tient étroitement serrée et l'embrasse tendrement sans songer aux regards qui sont fixés sur eux. « Que Dieu vous bénisse, ma bien-aimée » dit-il en quittant sa fiancée, des yeux de laquelle coulent des torrents de pleurs. « Que de telles séparations sont cruelles !» reprend un vieillard, s'adressant au capitaine Leland. « Votre jeune femme semble profondément affligée, » ajoute-t-il en regardant du côté de Barbara avec une longue vue. « Mais heureusement qu'elle n'est pas seule. » George Leland braque sa lorgnette dans la même direction et voit en effet M. Mulford qui paraît s'occuper de Barbara avec une sollicitude empressée. « Par quel hasard se trouve-t-il ici, à pareille heure ?» se demande à lui-même le capitaine. « Je ne comprends pas, » dit M. Mulford à Barbara. « Comment j'ai eu l'heureuse chance de vous trouver ici ? Quel hasard ! J'étais venu passer ici la journée pour affaires, et pouvant disposer d'une heure avant le départ du train, je me suis dirigé vers le quai pour dégourdir un peu mes jambes et mon cerveau. Permettez-moi de vous accompagner à la station. Je vais vous choisir un compartiment. J'ai encore le temps de prendre un autre billet pour vous. On est beaucoup plus confortablement en première. Je me trouve plus chez moi en 3e, dit Barbara. En venant, j'ai fait le voyage avec une jeune mère de famille, ses 5 enfants, une cage et un chat. Si vous tenez à ce vacarme harmonieux, j'essaierai de vous trouver une société aussi avenante. Barbara s'assoit sur le banc même où elle avait attendu l'arrivée de son fiancé. Elle suit dans son imagination le paquebot comme elle l'avait épié des yeux peu d'instants auparavant sur la mer houleuse. M. Mulford revient obligeamment à Barbara dire qu'il a réussi à découvrir un compartiment où se trouve une famille au grand complet. « C'est une voiture de seconde classe, » ajoute-t-il. Tout en se demandant de quel droit il lui impose ainsi sa volonté, Barbara monte dans le wagon qui lui est désigné. « Me permettez-vous de monter avec vous ? » dit-il d'une façon obséquieuse. « Oh non !» reprit-elle avec fermeté. « Je vous l'ai déjà dit, j'aime mieux voyager seul. »« Puisque telle est votre volonté, je me soumets. Mais vous me permettrez du moins de vous mettre en voiture quand nous arriverons à Londres. Je vous supplie de ne pas vous occuper davantage de moi, » dit-elle avec un vrai déplaisir. La pauvre Barbara se met à regarder tristement le paysage qui fuit, comptant ce qu'il lui reste de jours mauvais à subir avant qu'il lui soit donné de réaliser le rêve de sa vie. Les heures passent, la locomotive sillonne l'espace, on arrive. Avant l'arrêt complet du train, M. Mulford se présente à la portière et offre la main à Barbara pour descendre. Elle se dit qu'il a dû risquer sa vie pour être là en ce moment. Puis il l'invite à monter dans un cab, paye le cocher et dit à Barbara du ton le plus flegmatique et le plus protecteur « Je vous ferai observer que j'ai payé cet homme. Les cochers exploitent toujours les femmes seules. Adieu. » Barbara le regarde avec étonnement et mauvaise humeur. mais il lui fallut renoncer à exprimer son mécontentement à ce protecteur obstiné, car il a disparu aussitôt. Barbara s'enfonce dans un coin de la voiture et pleure. Enfin, elle approche de la Villa des Roses. De loin, Barbara aperçoit sa mère et sa sœur qui l'attendent sur le seuil de la porte et qui lui font des signes de joie et d'amitié. C'est leur tour de l'enfant prodigue, avec le thé à discrétion en guise de veau gras.